Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Ouais, on va se marrer comme chaque semaine. Attends, les deux feignasses là-bas au fond, elles peuvent pas applaudir. Arrête tes conneries, ouais. C'est des manchots. Ah pardon. Donc, donc nous avons le grand retour de Bob du club. Ah, bonsoir les filles. Alors, Bob, comment se sont passées tes vacances? Très mal, je t'en remercie. Ben non, t'as bonne mine hein, quand même. Ah oui, merci. T'as eu du soleil, des cocotiers. Tempête de soleil tous les jours. Ah, très bien. La mine, ça va, c'est le reste du crayon qui va plus. Salut Philippe, c'est Bob. Bon, voilà, je suis revenu d'Espagne ouverte. Mais non, pas en très bon état. La tête, ça va. Justement, les jambes, ça va pas. Je me suis déchiré les deux mollets. Hey, bravo, Bob. Bravo. Merci. Je savais pas que tu m'avais rajouté. J'aurais dû me douter. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je me suis déchiré les œufs mollets? Alors, t'as fait ça avec qui Avec F. Ah, avec ta femme. Ouais. D'accord, oui. Oui. Et alors, ce qu'on voit un petit peu rouge sur la figure, c'est pas les coups de soleil, c'est les hématomes. Ah, c'est l'eczématome. Non, c'est le ski que j'ai pris dans la tronche. Ah non, c'est peut-être la coupe rose, tu me diras. Alors, à côté de... Je vais m'en aller. Hein. Ça ne fait pas rire du tout. Non. Bob, à tes côtés, tu as... J'ai personne à côté de moi. Un partenaire qui vient régulièrement aussi. Oui, c'est vrai, Julien. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, pour refermer le cercle de notre équipe... Oui, parce qu'il ne l'agrandit plus. Hein. C'est le spécialiste des blagues... Maman. Maurice. Ah, bravo. Salut à tous, et je dis pas bonjour à la connasse d'à côté. Celui qui avait mis du BHV dans ton verre. Oui. Alors, face à eux, une autre équipe qui est composée d'un artiste dont on a le retour sur scène. Tu vas pas me la faire toutes les semaines. Si. C'est Frédéric Coster. Ah, bravo. Bon. Ça va. Salut. Avec un cas comme compote. C'est ça. Bah oui. Je crois que je vais rajouter un M comme maman dans ta gueule. .com. Voilà. Et donc un habitué aussi de l'émission, puisqu'il la connaît depuis de nombreuses années. Oui. C'est Fabrice. Ah, bonsoir Fabrice. Wow. L'émission sera réalisée par David. Ah. Et l'intendance de la soirée par René. Ah, bravo René. Attention, t'as fait tomber un curieux. Et animé par Philippe Bello. Eh ben, ça va donc être très bien. Tant pis. Cher Frédéric. Comme chaque semaine, tu as convié à cette émission un invité. Eh ben oui, parce qu'il fallait bien emmener quelqu'un dans ce traquenard. Eh bien, c'est un jeune humoriste que nous recevons aujourd'hui. Il s'appelle Jonathan. Bonsoir, Jonathan. Tu n'es pas trop apeuré de cette soirée, là, pour l'instant? Non, excité. Ah Bob, remets ton pied. Non, c'est pas moi qui l'excite. Parce que tu es gérontophile? Tout à fait. J'aime les mycoses, comme on parlait des pieds de... Oui, hors antenne, on parlait des pieds de Bob. Voilà. Oui. Ça m'a alléché. Attiré par l'odeur alléchée. Oui. C'est ça. Si on pouvait ouvrir la fenêtre, d'ailleurs. Oui. Je crois qu'il y a David qui a envie de vomir. Hein, mais alors, la date de l'amputation a été fixée ou pas? Oui, j'ai refusé l'amputation. Ah, d'accord. Bon, Jonathan vient nous voir, bien sûr, pour un spectacle. Tout à fait. Un spectacle qui s'intitule... L'histoire d'un juif qui avait un prépuce. C'est ça. C'est pas courant, en fait. C'est pas. Et donc, c'est ton histoire? Exactement. Alors, le spectacle, c'est quoi? C'est l'histoire de ta vie? C'est quoi ce spectacle? C'est ça. C'est l'histoire d'un juif qui se déteste tellement lui-même qu'il est persuadé d'être nazi, Ah oui. C'est ça. Donc il se regarde dans le miroir, il se claque des saluts nazis comme ça devant, il se menace lui-même de s'envoyer dans des camps, enfin voilà. Ah oui, non mais c'est... c'est très politiquement incorrect. Ah bah c'est dans l'actualité quoi, c'est... Oui. Voilà. Donc un spectacle que tu joues où actuellement? Au Théâtre Populaire. Maurice. Alors c'est au Théâtre Populaire, au 36 Henri Chevreau, dans le 20e arrondissement à Paris. Et c'est tous les samedis à 21h30. C'est 36... possible, il a pris des cours. C'est 36 boulevard, Henri? Non, il a oublié le mot. Une rue. C'est une rue. Rue. Ah, ouais. Tu l'as pas dit. Non, tu l'as pas dit. Oui, mais tout le monde la connaît. C'est dans le 11e, d'ailleurs. C'est une bonne foi, c'est bien. Alors, donc Jonathan, donc tu vas voir que dans cette émission, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des jeux, il y a des tournées de blagues. On va te solliciter pour des extraits du spectacle, évidemment. Tout à fait. Et il y a des épreuves. Cette émission est une épreuve. Et oui, il y a des épreuves. Et la première épreuve, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, chers amis. Merci Guilux. Vous c'est formez entre Guilux, Pierre Belmar et l'abbé de la Morandais. Vous formez car deux oui, équipes. Chers amis. Deux équipes, tu vois. Donc toi, tu es avec Frédéric et Fabrice. Et donc tu as l'équipe perdante face à toi, composée de Bob, Maurice et Julien. Bah, remarque cette semaine, vous avez Julien dans votre équipe, Bob. C'est vrai. C'est vrai. Tout n'est pas perdu. Ouais, enfin, donc voir, donc hein. Il faut baptiser les équipes pour que les auditeurs puissent, au fur et à mesure de la soirée ou de la journée, suivre l'émission. Alors, je sais que Bob est très prolifique en matière de baptême. Ah ben, bah, on va les appeler le Mossad. Les ok, bah, je vais les appeler la Wehrmacht à ce moment-là. Ah bah, bravo. Et il a déjà la couleur. Je suis pas sûr qu'elle soit diffusée partout, cette émission. Bon, eh bien, voici donc votre première question pour le Mossad face à la Wehrmacht. Le problème, c'est que Maurice ne comprend pas pourquoi ça fait rire. Il trouve ça très bien comme nom, la Wehrmacht. C'est à cause de sa moustache, peut-être. Alors, voici la première question pour le premier point. On répond. Là, on c'est la première. La voilà. C'est chacun son tour. Non, non, c'est la première équipe qui donne la réponse à ce jeu-là qui marque le point. Tu nous laisses répondre, puis après, tu peux répondre. Ok. Comment s'appelle. Mais tu pourras pas, parce qu'on a bon. Comment s'appelle le fils que Cléopâtre eut avec Jules César? Césarion. Bah oui, c'est oui, ça. C'est tout, bah oui, c'est bah bonne... il m'a grillé de deux noms. Bravo. Bravo. C'est bien, il Bob. M'a écouté. Ouais. Bah, moi, je respecte les règles. Hein. Tous ceux qui ont la Wehrmacht parle, le Mossad écoute. Hein. Mais d'ailleurs, il est un peu habillé vert de gris, Bob, aujourd'hui. Ouais. Bon, alors dans l'émission, nous avons quelque chose d'autre de très intéressant, c'est que ce sont les auditeurs qui envoient chaque semaine. Ah oui. Dans la boîte e-miel de Maurice. Ah oui, Maurice. Des blagues qu'il raconte en direct. Alors Maurice, la semaine dernière, tu as eu une blague. Il faut qu'il donne son adresse. Oui, bah, bien sûr, rappelez l'adresse e-mail. Alors c'est radio.ovsm@gmail.com. Merci, merci. Très bien. Et alors, la semaine dernière, tu as eu une blague que tu as racontée d'un auditeur et personne n'a rien compris. C'est-à-dire qu'elle n'était pas foirée, c'était le champion du monde du foirage. Là, c'était la Bérésina. Donc si tu pouvais avoir la délicatesse de re-raconter cette blague. Mon cher... Johan. Mais non, pas Johan. C'est Bob qui l'a dit. Alors, vas-y. Alors. Mon cher Jonathan. Jonathan. Voilà. Oh. Quand tu vas à New York, tu vas pas à Manhattan. Ça dépend. Excusez-moi. Bob a eu un éclair de lucidité. Non, ça, j'ai pas. J'ai qu'un neurone. Bon, alors, Maurice. Bon, Jonathan t'attend. Mon cher Jonathan. Bon, on n'aura pas Tan. Mieux. Grave. Non, mais oui, pas mon grave. Cher non, Jonathan. Voilà. Maintenant que tu l'as bien, tu recommences. La Wehrmacht. Saint-Jean-Louis, je suis pas trop bien luné, hein, quand même. Ah. Ah oui, mais jamais tu l'es luné. Hein. Si, si. Je te raconterai. Ah d'accord. Mais laissez-le faire. Oui, on attend, nous, on est prêts. Hein. C'est un mec qui s'appelle Juan. Et il devient bûcheron. Juan non, non, mais déjà, tu foires. Yes. Quoi? C'est la mais c'est la première blague de Maurice en kit. Mais il s'appelle pas Juan. Mais non. Juan. Oui. Why. Voilà. Ah, ah oui, c'est différent. Ah voilà, alors voilà. Alors, allez. Why. Fais-la correctement, Maurice. Alors, c'est un mec qui s'appelle Juan. Et il mais devient... non, pas Juan. Oh. Mais, il est... oh, mais c'est pas possible. Why. Mais c'est pas possible. Non, mais là, c'est... Mais ça existe chose. Des gens qui s'appellent Why? Oui, oui écoute pour, la blague. Dans les blagues, oui. Ah, dans les blagues. Mais arrêtez, je crois que Nathan ne peut pas entendre cette blague extraordinaire. C'est un mec qui s'appelle Why. Il s'appelle Why. Il s'appelle Why. Oh non, merde. Attends, il y a une phrase seulement. Oui, oui, oui, non, mais... Alors. C'est un mec qui s'appelle Why. Why. Why. Why. Voilà. Voilà. C'est un mec qui s'appelle Why. Et pourtant, d'habitude, quand tu te concentres, tu les racontes oh bien. Oh non, mais c'est pas possible. Et voilà, ça y est, maintenant, on a la basse-cour. Merci, mais, Maurice. Mais pourquoi? Non, mais le problème, c'est pas ça. C'est que le problème, c'est qu'on est obligé de rendre la tête. Là, on déborde, là. On va nous couper la chic. Bon, alors, attends. Maurice, concentre-toi. Tu la répètes. On marque une courte pause et juste après, on fait la première tournée de blagues dont on va te solliciter, Jonathan. J'ai... Et on essaiera quand même d'avoir cette blague de Maurice qu'on attend depuis la semaine dernière quand même. J'ai envie de dire oui. Bon, alors on revient avec Jonathan. Retour d'On va se marrer avec Jonathan. Ouais. Alors, Jonathan, une question très importante, tu nous as pas encore dit, est-ce que tu as un Facebook? Tout à fait. Et est-ce que nos auditeurs peuvent, ou nos auditrices, te demander comme ami sur Facebook? Tout à fait. Ah, alors Maurice, donne-nous l'orthographe du nom, s'il te plaît, pour trouver sur Facebook. Je vais le donner moi-même à ce moment-là. Oui. Ça sera plus sûr. Pour être sûr qu'il n'y a pas de oui, confusion. Tu as raison, oui. Voilà, donc c'est un mec qui s'appelle Ouin. Non, ça s'écrit Y-O-N-A-T-H-A-N. Voilà. Bah, très bien. Donc, on 8 lettres, pas mieux. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de noter, de toute façon, on va bien sûr mettre le lien du Facebook de Jonathan sur la page Facebook de l'émission. Bien sûr. Où vous écouterez, bien sûr, comme d'habitude, le podcast ainsi que les meilleures blagues de Maurice. Et d'ailleurs, on a profité de cette courte pause pour faire chauffer la tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors Maurice, cette fabuleuse blague qu'on attend depuis 15 jours. Alors, c'est un mec qui s'appelle Why, et il devient bûcheron. Ouais. Car Why y aime scier. Bravo. Oh, bravo. Bravo. Bravo. Quel talent. Bravo. Excellent. Bon, je te demande toujours pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, oui. Oui, comment ils s'appellent ? Village people. Ouais, les village people. Bah, le village entier. Alors, Julien. Alors, c'est un type qui fait de la randonnée pédestre. Ouh. Il voyait rien de coquin là-dedans. Et il est tout seul, il se balade en forêt et malheureusement il se casse la gueule, il arrive au bord d'un précipice et il est à deux doigts de tomber de la falaise. Et là il y a son ange gardien qui apparaît dans le ciel et qui lui dit « Lâche la branche, écoute-moi, lâche la branche, lâche la branche ». Et alors il commence à demander au secours, à l'aide, etc. L'ange gardien revient à nouveau, lâche la branche, écoute-moi. Et puis bon, au bout d'un moment, il commence à s'inquiéter. Il fait, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Ah, c'est bien, elle est pas sale. Ouais. Au tribunal. Enfin, en bas. Reconnaissez-vous avoir traité cette âme d'imbécile? Il me semble pas. Mais plus je le regarde, plus j'ai l'impression que c'est possible. Alors, c'est la bonne femme qui va à l'hôpital pour se faire une opération des ovaires. Ah bah tiens. Voilà. Et donc, elle est... Je disais bien que ça restera pas longtemps. Voilà, et donc, elle est prête à être sur la table d'opération. Elle est devant le bloc opératoire, à poil sous un drap, en train d'attendre. Et puis là, il y a un premier mec qui arrive, qui soulève le drap, qui regarde. Ouh là là, ouh là là, ouf. Alors elle n'est pas encore anesthésiée, donc elle voit ça, elle s'inquiète un peu. Bon, il referme le drap. Il y en a un deuxième qui arrive, un peu plus loin, et donc il soulève le drap, écarte un peu les jambes. Ah oui, il y en a un troisième qui arrive, qui soulève le drap. Écoutez, j'en peux plus, mais écoutez, messieurs, soyez gentils, dites-moi quelque chose, je risque quelque chose, quelque chose de grave. Ah nous, madame, on ne sait pas, on est les peintres, on est en train de refaire le plafond, là. Écoutez, non. Bon, on va passer derrière ça, toi. C'est Madame du club qui est en vacances. Ah, c'est gentil. Et donc, Bob décide d'aller aux filles. Ah. Et donc, il va dans une maison de tolérance. Chez Morissette. Et donc, chez Madame Morissette. Et donc, il y va et une fois arrivé dans la chambre, la prostituée le voit et lui dit bah alors, mon petit bonhomme, à votre âge, ça doit être fini ? Bob répond, comment ? Mais à votre âge, ça doit être fini. Comment ? À votre âge, ça doit être fini. Ah, c'est fini, je vous dois combien ? Bon, tu as vu, Jonathan, que c'est... J'en ai une qui m'est revenue en tête. Voilà. Alors, ça me rappelle mon lycée. C'est Monsieur et Madame, j'en ai bourré plus d'un. Ont deux fils. Ah. Maurice, non. Vas-y. Derek et Tom, parce que Derek Tom, j'en ai bourré plus d'un. Oh. D'accord. Bon. Alors, une petite mignonne avec Fabrice. Je vais la faire à la Philippe. Mmh. Ça se passe au paradis terrestre. Dieu croise Ève le lendemain de sa nuit de noces. Alors. Fais comme ça, hein. Plus volubile. Volubile. Alors, ma petite Ève, tu es contente de ton mari? Oh oui, Seigneur. Ah, voilà. À propos, vous savez qu'il porte toujours une feuille de vigne en haut des jambes? Oui, oui. Eh bien, depuis hier soir, je sais ce que ça veut dire, être dur de la feuille. Ah, c'est mignon. Très, hein. Très, très mignon quand même. Bon, alors, j'ai une petite épreuve à vous proposer pour marquer un point dans la soirée. C'est... On a déjà un point, nous. Oui. Ça va, crâne pas, toi, là-bas. La main passe. Ah. J'essaie de vous faire trouver, en l'occurrence là, un personnage. Je vous donne des informations pendant 10 secondes. 10 secondes pour ton équipe, Jonathan. Si vous ne savez pas, la main passe. 10 secondes pour l'équipe de la Wehrmacht. Si la Wehrmacht ne sait pas, la main repasse au Mossad. C'est la première équipe qui donne la réponse, qui trouve le point. Évidemment, ça doit étonner certains auditeurs qui sont en route et qui viennent d'allumer la radio et qui se disent « Tiens, oui, c'est un débat ». Non, pas du tout, c'est une émission de jeu. Donc voici, je vais commencer par vous. Et vous donner ses premières informations pour trouver ce personnage très connu. Je suis un acteur français, né le 4 juin 1944 à Saint-Maur-des-Fossés. Je mène une riche carrière dans le théâtre de boulevard et notamment dans le doublage français. Pierre Tornade. 40, non, 44, non. Oui, non. Non, il avait 82 ans. Oui, quand il est mort. Vrai, il avait 82 ans quand il est mort. Et qui ça? Qui ça? Celui dont il parle. Ah, oui. Non, c'est lui qui a parlé. Voilà. Mmh. Bisous. Quoi? Ne me dis pas que tu connais pas Pierre Tornade. Mais attends, quel âge tu as? J'ai 23 ans. 23 ans que ah, bah tu non, connais il peut Pierre pas, Tornade. Non, bah non. Pierre Palmade. Non, Pierre Tornade. Alors, qui fait du doublage et qui serait né en 44, donc on est en demi à l'heure où nous enregistrons cette émission. Oui. Nous oui. sommes en 2012. Oui. Donc ça fait combien? 68 ans, si c'est quelque chose. 68 ans. Oui. T'as fait un vent avec ton Pierre Tornade. Allez, me faire avec très, Pierre très Tornade très avec son bonne. Cul. Alors... Oh. J'ai pas entendu. Heureusement, ça sera plus heureusement, plus. Oui. Alors une réponse. Bah, tous ceux que je connais, ils ont plus de 60 ans, 68 ans. Bah oui, bah lui aussi. Hein. On va dire qu'on dit quoi? Moi, je dirais Matt Pokora. Ah. On valide. Allez, Matt Pokora. Non, la main passe. Top. J'ai été immortalisé dans un album de Lucky Luke, Le Bandit Manchot, sous les traits du crétinissime Double Six, souffre-douleur et bras droit d'un tricheur professionnel, ayant les traits de Louis de Funès. C'est un acteur, hein, c'est ça que t'as dit? Oui. Il est né en 44, il a bien fait en tout cas. Oui. Bah, oui. Alors un acteur de 44, Bob? En plus pour la Wehrmacht en 44. Bah, j'en connais un. C'était la débâcle. Bob du club. T'es né en 44, toi? Oui. Oh, tu fais ah, fou. Ah, ouais, 1844. Oui, voilà, 1800. Et 70% de cacao. Carmen, non? Pas d'idée? Pas du tout. La main... Maurice, il a oui, peut-être Maurice. Une idée, Maurice. Carmen, non? Carmet. Jean Carmet. Il est mort. Hein. Bon, il était plus vieux que ça, non? Oui. Oui. Oui. La main repasse. Oui. Top. J'ai été nommé au Molière en 1998 pour le Molière du meilleur comédien dans Cyrano de Bergerac. J'ai tourné dans de nombreux films, dont Requiem pour un caïd. Qui est-ce qui a joué dans Cyrano? Requiem pour un caïd. Oui, on sait. Ouais. Ouais. Oui, Depardieu. Non. Oui, mais oui. C'était au cinéma qu'il a fait Cyrano de Depardieu. Qui est-ce qui a fait Cyrano? Une idée, Jonathan. Non, tu ne vas pas au cinéma. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? J'ai vu Félin, moi. Ah ouais, c'est bien. Ah, j'ai adoré ce film. De Disney. Avec... Ah oui, non, j'ai pas vu le même. C'était Catherine avec la fille qui avec fait... Avec Brigitte Lay. Oui, t'as vu des chats. Alors, je sais pas, ça, qui c'est... Un quoi? C'est bien ce qu'il y a non, plutôt qu'il... que de raconter des cochonneries à l'antenne. Une réponse? Je ne sais rien. Non, non. Alors la main, oui, la main repasse. Ouais. De nombreux films, dont Les Cracks, Le Tatoué, Le Cerveau, Clérambard, Le Mur de l'Atlantique, Peau d'âne, Les Mariés de l'an 2, Docteur Popol, Juliette et Juliette. Patrick Préjean. Eh ben oui, Patrick Préjean, oui, c'est ça. Préjean. Et oui. Le fils d'Albert Préjean. Et j'allais le dire, après, oui, là, forcément. Ah, c'est bien joué quand même. Une équipe brillante qui connaît cinéma. Bon, eh ben, pour nous venger, pour nous venger de ta non-participation à ce jeu, puisque tu n'as pas voulu donner de réponse. Non, non. Eh bien, nous allons te contraindre à faire un sketch. À la maintenant? Juste après la pause. Ah, oh, merde, ok. C'est comme ça. Ah, bah oui, c'est une reste avec c'est nous, plaisir. Reviens avec Jonathan. Ouais. Retour, on va se marrer avec Jonathan. Ouais. Alors, Jonathan, on va l'applaudir, cher Maurice. Alors, au Théâtre Populaire, au 36 rue Henri Chevreau, dans le 20e à Paris. Ah, oui, oui. Voilà. Et c'est tous les samedis soirs à 21h30. Très bien. Mais là, on va en profiter puisqu'il est avec nous. Il a déjà monté sur la scène d'On va se marrer. Donc voici un extrait du spectacle de Jonathan. Oui. Julia, mon garçon. Oui. Rentre dans mon bureau, mon garçon. C'est bien, installe-toi, mon gars. Bon. Donc, moi, c'est Madame Françoise, hein. Et je suis ta conseillère d'orientation. Ce qui veut dire, mon garçon, que tu peux d'ores et déjà te rassurer. Hein? Dans le sens où Madame Françoise n'est pas là pour te croquer. C'est bien, mon garçon. Bon, tu m'as l'air de tout comprendre, hein. Bon. Alors, je peux pas te cacher, mon garçon, qu'il y a deux ou trois éléments dans ton dossier qui ont interpellé Madame Françoise. Hein? Notamment un mot. Ah! Dans ton carnet de correspondance. À l'attention de tes pauvres parents. Hein? Bon, donc, je vais te lire ce mot. Ah! Et tu vas me donner tes impressions. Tu t'attends, mon garçon. Bon, donc, je vais lire le mot. Hein? Je vais te voir concentré. C'est bien, mon gars. Madame, ça commence bien. Vous ne pouvez ignorer plus longtemps que votre fils Julien se permet de sécher ses coups le jeudi après-midi, et c'est depuis 94. Mais que de surcroît, ce dernier se permet d'entraîner ses petites copines avec lui. Salope. Après plusieurs questionnements infructueux de ma part, ce dernier n'a pu me fournir comme réponse seulement, et je cite, ce sont tes propres mots. Moi, madame, les filles, je ne les fais pas sécher, je les fais mouiller. Mais c'est très grave, ça, mon garçon. Tu ne peux pas dire ce genre de choses. Tu ne peux pas proférer des propos pornographiques à l'égard de tes petits camarades. Et de surcroît devant un représentant de l'autorité scolaire. Putain! Ah, je suis vraiment colère là, mon garçon. Hein? Je vais devoir en sévir. Je vais devoir t'en coller une. Ah, Madame Françoise n'accepte pas ce genre de comportement, hein? Bon. Même si, bien sûr, je comprends parfaitement le sentiment que tu évoques à tes petites camarades. Hein? Ah, parce que moi-même, hein, malgré tes 4 ans et demi, je peux pas te cacher que tu me fous la goutte, hein. Oh putain, ah, je je suis quand même trempé depuis tout à l'heure, mon garçon. Tu sais comment on me surnommait pas dans ma jeunesse, mon garçon? Est-ce que tu le sais? Non. La fontaine de Fort-de-France. Putain, je ne me suis pas mis dans ce genre d'état depuis des années, mon garçon. Hein? Oh, putain. Jésus, Marie-Joseph Méliogue, de quoi abreuver toute l'école? Tu as soif? Tu as soif? Tu vas bouffer? C'est ça? Oh, putain. Ah, mais j'ai compris, mon garçon, pourquoi je suis trempé depuis tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec toi. Ah, mais j'ai compris. J'ai depuis tout à l'heure un de tes camarades entre les cuisses. Sors de là, imbécile. Mais qu'est-ce qui t'a pris là? On ne bourlèche pas Madame Françoise, hein? Sous aucun prétexte, mon garçon. Bon, vous sortez de là tous les deux maintenant, hein? Vous faites sacrément la paix, hein, tous les deux, hein? Bon, s'il y a des auditeurs qui se posent des questions sur leur avenir, hein? Eh bien, Madame Françoise sera ravie de répondre à vos interrogations. Hein? À bientôt. Ah, c'est du vécu. Hein. Bon, allez, la suite, c'est Jonathan Maurice. Alors, ça se joue au Théâtre Populaire, 36 rue Henri Chevreau, dans le 20e arrondissement à Paris, et c'est tous les samedis soirs à 21h30. Parfait. Bravo, Maurice. Alors tout à l'heure tu m'as floué parce que quand je t'ai dit c'est ta vie que tu racontes, etc. En fait il y a plein de personnages, c'est ça. Ça n'empêche pas que ce soit la réalité. Donc quand tu avais 4 ans tu as eu une expérience. C'est une espèce de métaphore comique sur la relation que j'avais avec ma maman, en fait, tout simplement. Ouh là là là là là là. Donc il y en a beaucoup de personnages comme ça. Tout à fait. Il y a tonton Freud. Exactement, il y a plein de personnages comme ça dans le spectacle. Voilà. Bon, bah alors si on a envie de se marrer, on a compris où il fallait aller samedi soir à Paris. Alors, une question qu'on pose tout le temps, parce que c'est vrai qu'on nous la pose. Mm-hmm. Tu fais aussi éventuellement des dates en tournée, tu vas de temps en temps, tu te déplaces. Non. Bah ça c'est dommage. Non, c'est dommage. Sauf si quelqu'un veut m'appeler, quoi, je veux dire. Voilà, mais c'est ça la question. Si quelqu'un aimait le sketch par exemple, bah qu'il m'appelle, voilà. Ouais. Moi, voilà. En fonction de l'argent qu'il est prêt à donner, moi je peux me déplacer. Ah. Voilà, bah, je vois quelqu'un dire c'est un juif, c'est normal. Il ose pas, mais moi je cautionne ta blague. T'as le droit de oui, non, mais voilà. Parce qu'on a beaucoup blagué là-dessus, oui. Hors antenne, hein, c'est, oui, bon, c'est ça vrai. Aussi qu'on peut se permettre. Oui. Se voilà. Permettre. Mais en plus, on a l'habitude, hein, parce qu'avec Frédéric se permet n'importe quoi. Oui, tu vois, par exemple, avec Frédéric, je peux dire, hey, Frédéric, t'as de l'argent? Où ça? Où ça? On a fait un duo comique pendant très longtemps. C'était Brock Philippe, et Schnock. Philippe, oui, oui. Tu veux du gin? Quelle taille tu as? Bon, bien, alors, allez, dans quelques secondes, après avoir rigolé, là, on va moins rire, car je vais tirer deux cartes. Dans le boîtier du nouveau trivial. Oh là, attends, tu as oublié de dire la phrase rituelle. Je vais la dire après. Ah, pardon. Oui. Reste avec nous, on revient avec Jonathan. Ouais. Retour, on va se marrer avec Jonathan. Alors pendant la pause, il nous a promis qu'il allait nous faire d'autres accents. Voilà. Parce qu'on a beaucoup aimé l'antillais. Ah ouais, très très bien. Mais t'aimes vraiment faire les accents ou c'est... C'est ma passion. Non mais c'est vrai. Non, vraiment, vraiment. Là, t'attends que je te réponde avec un accent. Voilà, par exemple. Ah ben, non, c'est vrai que moi, les assanes depuis tout petit, c'est vrai que j'aime bien m'amuser. Oui. Et voilà. Tu vois, là, je prends un beat, par exemple. Tu m'as demandé de le bien. Faire. Et dans le spectacle, est-ce que tu fais l'accent juif? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais lequel? Ah. Oui, lequel? Il y en a plusieurs. Oui. L'accent juif, bah, moi, je peux tous les faire, mais culturellement, je veux dire. Mais non, je fais. J'ai cru que tu as dit c'est la culture allemande. C'est pas tout à fait faux. Voilà. Alors, je trouve cette blague très mauvais goût, si je peux. Oui, c'est ça. Voilà, moi, je suis choqué. Non, parce qu'il y a le juif pied noir. Non, mais je fais le juif du sentier, si vous voulez. Ouais. Voilà. La vérité, si je m'en. Oui, purée, c'est pas vrai ça. Jonathan, tu vas nous faire rire là. Hein, hey, allez, vas-y. Voilà, bah prends ton beat tout seul. Enfin, tout toute seule, je sais pas bah, s'il peut. Hein. Oui, on... non, je suis pas assez souple. Bon, eh bien, on va plus rire parce que maintenant j'ai tiré au hasard. Oui, bon, ça, ah, fait bon, déjà, ça, longtemps ça fait des années que tu tires au hasard. Ah, oui. Deux cartes dans le boîtier du nouveau boîtier trivial, puisque ah, oui, jusqu'à, il y a quelques jours, on avait encore le boîtier du trivial de 1987. Oui. Et nous sommes passés au boîtier de 1980. 11. On a fait un progrès ah, considérable. Ce n'est plus du RSS alors. On a marché sur la lune depuis. Je tire deux cartes, une carte par équipe. Six questions sur chaque carte. Le but de jeu étant de répondre au plus grand nombre de questions pour marquer un maximum de points. Donc vous pouvez vous consulter avant de répondre. Oui. Si toutefois vous avez la réponse sans vous consulter, vous dites cash, c'est très important. Vous donnez la réponse. On ne parle pas d'argent. On parle pas d'argent. Hein, Maurice. Oui. Cash. Et là, attends, je vais pour Maurice. Cash and the zwei point. Ah oui, c'est pour la Wehrmacht. Oui, mais... Tu as compris, Maurice. Là, on, dit compris. Yeah, on dit pas yes. Si toutefois vous ne répondez pas correctement, l'équipe adverse peut donner la réponse à votre place. Et là, c'est in the baba, je te le dis. On fait toujours. De bon, je veux bien qu'on rit, mais pas qu'on se moque. On fait toujours choisir à Boris. On fait toujours choisir à Bob la carte. Ah oui, la première carte. Parce qu'il est mauvais joueur. Il conteste. Ah. On passe des heures à négocier. Alors, Bob, est-ce que tu veux la numéro 1 ou la numéro 2 ? Zwei. Donc, c'est celle-là. C'est celle-là, oui. Non, celle-là, c'est la 1. Non, c'est l'autre. C'est celle-ci que tu veux. Celle-ci. Non, on veut l'autre, du coup. Non, vous voulez laquelle ? Bah, l'autre. Celle-là. Donc, je pose la numéro. Voilà. Et donc, cette carte-là est pour l'équipe de la Wehrmacht. On commence par la Wehrmacht, donc normalement c'est eux qui répondent. S'ils ne savent pas répondre, c'est à vous de marquer le point. Moi, je les aime bien, si mais ils les... ne savent pas répondre. Moi, je les aime bien, mais je les trouve un peu envahissants quand même. Bon, on s'occupe. Attention, Maurice, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Oui, oui. Top. Maurice, à il partir. Fait le pitch. Quelle profession exerçait Elvis Presley avant de faire son premier disque ? Il n'y a plus de Géo alors. Stop, il était là. Non, c'est pas stop. C'est Cash. Oui. Il était militaire. Ils se sont connus à l'armée, plus, c'est pas possible. Alors attends, Maurice. Moi, j'étais persuadé que tu le savais parce que toi, tu devrais le savoir. Mais oui. Ah, bah, routier. Ça, bah, oui, mais ça nous répond maintenant. Donc, Merci, Maurice. Il était routier. Quand même, Maurice. Il était routier dans l'armée. Mais non. Dans l'armée. Mais non, il a fait son armée après. En Allemagne d'ailleurs. Oui, en Allemagne. Il a fait son service. Devant quelle Wehrmacht ? Alors, un Parisien, heureusement, on a Julien. Devant quelle gare parisienne est exposée la sculpture composée d'horloges intitulée L'heure de tous ? Cash, Saint-Lazare. Oui. Quelle personnalité politique attacha son nom à la loi sur l'avortement ? Maurice. Cache. Simone Veil. Maurice l'avait. Maurice, il a failli il dire Roselyne Bachelot. Quel fut le présentateur de l'émission radiophonique La Tribune des Temps Modernes ? Maurice, c'est pour toi. Non, on a dit des temps modernes. Hein. Non, personne ne sait. C'est l'émission sur quel, La Tribune des Temps Modernes. Bah, okay. C'est sur Inter. Oui, c'était la première radio, le RTF même. Hein. C'était vraiment. Allô. Oui. Jean Nohain. Oui, Jean Nohain. Oui. Non. Vrai. Fabrice, toi qui es un spécialiste de la radio. Oui, Fabrice, tu devrais savoir ça. Oui. Oui. Mais je le dirai pas. Ah. Oh, il boude. Et toi, Fred, qui arrête pas, toi qui arrêtes pas de bouffer des rillettes, ça vient de là-bas, non ? De quoi ? Oh. Oh là là, mais c'est avantagé les autres. Tu peux répéter la question ? Quel fut le présentateur de l'émission radiophonique La Tribune des Temps Modernes ? Monsieur Pathé ? Non, il y a porc, je pense, dedans. Jean-Paul Sartre ? Oh, bravo. Ah oui ! Bravo ! Mais oui, c'est dans la Sarthe. Oui. Jean-Paul Sartre. Les rillettes du Mans dans la Sarthe. Bon, bah, quel nom de légume Maurice cache. Donne-t-on un échantillon de terrain prélevé au cours d'un forage ? Ah, cache une carotte. Ah bah ça m'étonne pas, tiens. Et enfin, avec laquelle des marques suivantes, Fangio n'a pas été champion du monde ? Mercedes, Ferrari, Maserati ou Jaguar ? Cash, Mercedes. Non. Donc il vous reste Ferrari, Maserati ou Jaguar ? J'aurais dit Jaguar comme ça. Mais... Oui, écoute, j'aurais dit Jaguar comme ça, mais... Bah, on oui, dit Jaguar comme ça. Eh bien, c'est correct. Ouais, ouais. Fais confiance à ton instinct. Exactement. Très bien. Oui. Donc, à l'issue de cette première carte, qui n'est pas la dernière, pour l'instant, la Wehrmacht mène la bataille... avec 7 points, Bob. Ah, oui, oui. C'est le Blitz. 3 pour vous, le Mossad, mais. Oui, mais tu vas voir. Parce qu'on est persécuté, c'est pour ça. Ça va être la 3 pour remonter tout ça. Ça fait un... Non, mais vous inquiétez pas. Oublie. Là, pour l'instant, la Wehrmacht est en tête, mais Munich arrive. Bon, alors vous restez avec nous et on revient juste après cette courte pause avec la deuxième carte. Ah. Et toujours. Sans changer l'huile. Mais non, avec le la table. Retour, on va se marrer avec Jonathan. Ouais. Ah ouais, ouais. Mais alors, Jonathan, une question comme ça indiscrète, ça t'a pris comment? Tu parles de Madame Françoise ou l'envie de faire ce l'envie spectacle? Du, non, l'envie de faire du spectacle. Écoute, depuis petit, c'est mon rêve, moi. Donc j'ai dit, je ferai ça, et puis j'ai fait ça. Donc t'as commencé comment? Avec en faisant des scènes ouvertes, j'ai commencé à faire des scènes ouvertes au Café de Paris, au Schinchmann Comedy Club d'ailleurs. Voilà. Ah, bah on en parle souvent. Bah oui, tout le monde commence là-bas. Avec Aurélien Vic. Voilà. Et sa maman Françoise Deldic. Et sa clochette. Françoise Deldic et sa clochette. Par contre, tu ne coupes pas la parole, c'est très désagréable. Mais je t'emmerde. Bon, alors voici votre deuxième carte. Oui. Et là, Jonathan, enfin, non, faut... nous, c'est enfin, la première. Votre carte. Maintenant, c'est la deuxième et c'est la vôtre. La règle n'a pas changé. C'est la vôtre. Là, j'aurais pu changer. Des fois, j'aime bien changer les règles en cours de route, mais là, ouais. Je ne l'ai pas changé. Donc, voici votre carte. Quelle était la destinataire des lettres au castor? Cash. La destinataire. Oui, oui, la Simone de Beauvoir. Bravo. C'est ça. Oui, il a raison, bien sûr. 2 points. Dans la Sarthe, il écrivait beaucoup. Oui, voilà, justement, oui, c'était Jean-Paul Sartre qui l'appelait. Quel personnage de fiction fut accusé à la tribune de la Chambre en 1912 d'avoir inspiré les agissements de la bande à Bono? Ah oui. Un personnage de fiction qui fut accusé à la tribune de la Chambre en 1912 d'avoir inspiré les agissements de la bande à Bono. Bonne question. Ouais. Oui. Un gangster. Et alors, dans votre équipe, il y en a 2 qui le connaissent. Ah, moi, je suis censé le connaître ? Peut-être non, pas, non, parce non. Que c'est peut-être pas de ta génération, mais il y en a 2 qui le connaissent. Oui, c'est un bandit. Oui, essaye pas de meubler, donne la réponse. Oui. Hein. La musique est sympa, hein. Oui, tu sais, ouais. On touche les droits d'auteur, j'ai pas quel point. Mandrin. Comment ? Mandrin. Fabrice, tu connaissais Mandrin, toi? Non. Alors, à la main basse, à vous, alors, est-ce que vous avez une idée, monsieur le commissaire? C'est un gangster célèbre. Non, mais c'est pas un gangster, c'est un flic. Non. C'est un gangster. La bande à Bono. Moi, je connais bien la bande à Basile, c'est con. Maurice. Non, moi, je fréquente pas ce genre de personne. Toi qui as fait l'armée. Oui, non, mais... Les pieds nickelés. Les pieds nickelés. Fantomas. Ah, c'est... Oh, il a pendu dans ma chambre. Dans ma chambre? Non, dans la mienne. Quelle horreur. Parce qu'on est fan de Fantomas. Bien sûr. Tu n'aimes pas Louis de Funès? Si, je l'aime. Non, je l'aime pas. En plus, c'est vrai, je l'aime pas du tout. Bon, allez, salut. Dans le sigle CIA, oui. De la célèbre agence d'espionnage, oui. Que signifie le I? Intelligence. Voilà. En anglais. 2 points. Oui. Ça, c'est pas Maurice qui aurait pu répondre. Comment appelle-t-on les plus grands studios de production de cinéma américains? Le nom général, pas le nom d'un studio, mais le nom général des plus grands studios de cinéma américains. Ça, si tu sais pas ça, on téléphone à ton patron. Voilà. Bah, Cash Hollywood? Non. C'est studio quelque chose? Non. On appelle ça les Majors. Oui, mais c'est plus à nous. C'est les majors, cash, c'est les majors. Mais c'est plus à nous. C'est pas rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Non, mais la question est viciée, monsieur. Oui, Pélo, pourquoi dire, parce que les studios, c'est un lieu. Les majors. On va dire les majors. Oui, c'est ça. Oui, mais la question est viciée parce que les. Tu aurais dû dire les maisons de production. Les, parce que les studios, moi, je pensais aux bâtiments. C'est physique, les studios. Ah, c'est, ouais. C'est pas moi qui ai fourni ces questionnaires. Quel voilà. est le con qui a acheté ça? Toi. Quelle fibre synthétique. C'est à vous, hein. Si vous écoutez pas les questions. Quelle fibre synthétique oui. de grande résistance fut tout d'abord Jean Moulin fut tout d'abord fournie exclusivement au gouvernement américain sous le nom de PRD-49. Une fibre synthétique. Maurice aurait répondu la toile de jute, mais. Une fibre synthétique de grande résistance. Qui a d'abord été fourni au gouvernement américain sous le nom de PRD-49. Le jean ? Quelle taille ? Ah, au départ, c'était pour faire des tentes. Non, maintenant, maintenant, c'est pour faire rire les tentes. Voilà. Non, alors, donc, c'est pas ça. Non, mais là, ça touche pas. Non, mais c'est sorti tout seul. Oui, Bob aussi, maintenant, ça sort tout seul. Bon, alors, Bob. Ah, c'est ah, pas bah, ça, c'est pas le nylon. C'est le... Le nylon, ils ont commencé par faire des parachutes pour la oui. Deuxième Guerre mondiale. Oui, oui, avec, oui. Ton, avec ton caleçon. Oui. C'était le Kevlar. Le Kevlar, ah oui. Mais oui. Et enfin... Quelle gare bon, parisienne on est pas brillant encore. Eh oui, a assuré le plus gros trafic oui. annuel de voyageurs en 1990. La gare parisienne. Une gare parisienne. Bon, il y en a quatre. En 1990, oui, c'est facile, il y en a quatre. Hein. Non, il y en a quatre. Il y en a quatre. Gare du Nord, gare de l'Est, gare Saint-Lazare ou Montparnasse. Ah non, il y a Austerlitz. Et la gare de Lyon. Et la gare de Lyon. Alors moi je vous demande entre Paris Nord, Paris Est, Saint-Lazare ou Montparnasse. Entre eux. Oh là là. Paris Nord, Paris Est, Saint-Lazare ou Montparnasse. Moi je dirais Saint-Lazare. Saint-Lazare. Ouais. Hey hey c'est petit Saint-Lazare. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a tous les erreurs. Non mais c'est petit. Voilà. Bon alors gare du Nord. Ouais moi j'aurais dit gare du Nord. Mais gare du Nord. C'est la gare du Nord. Non. C'est pas la gare du Nord. Alors attends, tu m'as dit. J'ai dit Paris Nord, Paris Est, Saint-Lazare ou Montparnasse. Moi je dirais Montparnasse. Ouais. On va dire Montparnasse. Ah, voilà une bonne réponse. C'était la gare Saint-Lazare. Donc là tu as le droit d'insulter Frédéric Costa. Bah oui, parce que je l'avais dit. Oui, c'est ça. Il m'a dit non, c'est gare du Nord. Voilà, donc t'as le droit de l'insulter. Mais quel enfoiré. C'est désagréable. Vous allez jouer avec des cons. Je suis désolé. Hein. Bah oui, on aurait, en fait, violent, c'est comme ça que c'est à ce moment-là que tu regrettes de pas être dans l'équipe de Maurice. C'est ça. Tu vois. Voilà. Mais bon. Eh bien, pour l'instant, je crois que les deux équipes. Ah non, là, ça y est, là, c'est fini. Oui. Il n'y a pas 14 questions sur une carte. Ah bon. 4 et 3, 7. 4 et 4, 8. Ah, vous êtes toujours devant la Wehrmacht. Bah oui, à un point près. Ils ont 8. Il y a l'armée rouge qui arrive, t'inquiète pas. Bon, allez, juste après cette courte pause, une fois par mois. On s'embraye une nouvelle tournée de blagues. Ah. Donc faites-les chauffer, on revient oui. avec Jonathan. Retour, on va se marrer avec Jonathan. Il est au Théâtre Populaire à Paris actuellement tous les samedis à 21h30. C'est au 36 rue Henri Chevreau dans le 20e arrondissement à Paris. Bon, merci ma biquette. Vous pouvez... Pourquoi ma biquette Chevreau. Ah, oh là. Et vous pouvez bien sûr le demander comme ami sur Facebook pour avoir son actualité. Mm-hmm. Et puis, comme on sait qu'on a quand même beaucoup de salles qui nous écoutent en province, on les salue d'ailleurs. Bah, si vous avez envie d'accueillir Jonathan dans votre salle, bah, c'est pareil, sur Facebook, vous pouvez le contacter facilement. Tout à fait. Il répond à toute demande. Exactement. Essaye d'être un peu plus viril quand tu parles. Oui, oui. Ouais. Très bien. Parce que sinon, on reconnaît. Sinon on non, mais te gratte pas les couilles, à la radio, ça se voit pas. Les voix, Puisque tu es en forme, voici la nouvelle tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. On va se marrer, l'émission qui rend sourd. Ah, Maurice. Pourquoi un aveugle est-il interdit de saut à l'élastique? Un aveugle. Un aveugle. Oh, ouais. On a compris quand même. Vous n'allez pas me... te brouter les... Parce qu'il ne voit pas le vide ? Non, parce que son chien a trop peur. Ah. Oh, oh, oh, oh. C'est vrai, c'est pas gentil pour les animaux. Non. Julien. C'est une blague pour les personnes qui travaillent dans la diététique. J'écoute. C'est deux nanas qui discutent entre elles et puis il y en a une qui demande à l'autre « Toi, t'as déjà entendu un spermatozoïde crier ?» Alors l'autre répond « Bah non, jamais. » Bah, elle lui répond, bah, la prochaine fois, avant d'avaler, t'as qu'à croquer. Oh, oh non. Et bon appétit si vous êtes à table. Ah, là, là, là. Alors, un explorateur est un explorateur est capturé par une tribu cannibale. Ah oui, alors on le plonge dans une immense chaudron rempli d'huile. Oui. Voilà, sous lequel on allume le feu. Un sauvage s'approche du pauvre homme. Un sauvage s'approche. C'est Vasolika. Comment t'appelles-tu ? Ils sont à Manaus. Je m'appelle Frédéric. Pourquoi ? C'est pour te marquer au menu. Ouais. C'est dans le petit village africain de Kokossé Nabikoum, au Burkina Faso. Oh oui, très joli petit village. Très joli petit village à 80 km de Ouagadougou. Il y a un puits maintenant. Ah. Bah oui, depuis le temps. Oui, il creuse. Alors, et donc, il y a Séraphine. Ah! Ah! Ah! Ah! Il y a Séraphine qui a un gros rhume. Oh putain, j'ai un gros rhume. Alors, elle va voir le médecin qui est dans le village. Bonjour docteur, là voilà, là ça peut plus, là j'ai un énorme rhume, là j'ai le nez qui coule, je suis pris de partout, j'ai pas mangé. Alors, attendez, je fais les accents. J'ai sculpté, regarde, bon écoutez, c'est pas très grave, Séraphine, tenez, je vous donne une boîte de suppositoire. Une boîte de quoi ? Une boîte de suppositoire. Et qu'est-ce que vous voulez que je fous avec des suppositoires ? Ben, tu te les fous dans le où je pense, et tu... Mais attendez ! Je fais 245 kilos. Comment voulez-vous que je trouve le trou? Je peux pas y aller même moi-même. Tu trouves, un ami, quelqu'un. Bon, elle rentre chez elle avec sa boîte de pot. Ignace, oui, Tata Séraphine. Le petit neveu. Oui, oui. Il y en a. Ignace, quel est con ce neveu que j'ai, c'est pas possible. Alors, Ignace, tu vas me rendre un petit service, tu vois. Tu vas, je te donne ce petit truc et tu vas me le mettre dans le trou. Ah bon? Oui. Alors, elle lève la jupe. À ce moment. Oh, le bruit de la. Voilà. Eh oui. Hein. Bon, le petit, à ce moment-là, manque de faire une crise d'apoplexie. Oh déjà, il y a des mouches. Au chocolat. Et voilà. Et donc, il. Voilà. Bon, ça y est, tu y arrives ou quoi, là? Oui, oui, attends, j'y arrive, oui. Oh, j'ai raté. Redonne-moi, tata. Oh, con, je vais. Elle lui redonne ma deuxième. Vas-y, tu arrives, là? Je vais pas rester les matins en l'air toute la journée, moi, hein. Bon. Bah non, oh, j'ai encore raté, oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah c'est pas vrai, je vais le tuer, c'est pas vrai, c'est gamin. Bah donne-moi. Alors, il a un troisième, il va me bouffer la boîte, ce con, c'est pas vrai. Alors, bon, c'est bon, tu y arrives ou quoi? Non, mais tata, il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il y a un méchant dindon qui me bouffe tous les cachets. C'était pour Yonatan, pour lui faire plaisir. Il avait envie d'une blague avec une voix. Ouais, je l'aime beaucoup. Ah, tu vois. Alors, c'est un type qui est tendu à côté de sa nouvelle copine, sa nouvelle petite amie. Ils viennent de faire l'amour de manière très torride. Ah, formidable. Ah, ils sont là. Et pendant qu'ils sont allongés, elle lui caresse tendrement les testicules. Ah. Et elle lui gratte un peu les testicules et tout ça. Et voilà. Et puis à un moment, le gars dit à sa copine, ah, mais c'est génial, mais pourquoi t'aimes tant faire ça? Et la copine répond, ça me manque tellement depuis mon opération. Alors, renifle le plat dans le casque. Excusez-nous, le réalisateur s'est rappelé d'une histoire personnelle. T'es pas parti au Brésil d'ailleurs, toi, il y a pas longtemps ? Jonathan, alors Oui, alors oui. Tiens, elle est bien celle-là. Mm-hmm. Comment appelle-t-on un dinosaure homosexuel ? Un ananocus. Un tripotanus. Eh ben... ah fait ce qu'on peut. Hein, ah bah, oui. Alors Fabrice, Je vous assure, j'en ai pas trouvé. Hein. Non mais c'est pas là-dedans. Ah pardon. C'est radiophonique. Ça. Oui, pourtant, bah oui, pourtant, ça, il était en train de feuilleter un bouquin de Marie Curie. Non mais cette émission, Marie Curie. Ah oui, comment on reconnaît Bob et, et Maurice dans le noir pendant une partouze? Bon, je sais pas. Dans le noir ou dans un noir? Dans le. Ah pardon. Bah déjà sur invitation. C'est pas dur. Non. Ah bon. Maurice, une petite deuxième, allez, on a encore un peu de temps là et on n'hésite pas. Là, il est paumé. Là, il est pris. Ah bah, tiens, oui. Il est pris au dépourvu. Non, mais tiens, justement, allez, une petite roulette russe. La roulette russe, en fait, je vais te donner des mots qui correspondent à des blagues historiques de Maurice. Oui. Puisque ça fait historique, ça fait 15 ans qu'il essaye de les raconter sans jamais les finir. Voilà. Donc, tu dis stop quand tu veux et automatiquement, sans instantanément, sans ses notes, Maurice te raconte sa blague historique. Ok. Enfin, il essaie. Oui. Tu es prêt? Oui. C'est parti. Sex shop. Skieur juif. Bah, je vais prendre celui-là, j'aime bien celui-là. Au hasard. Je vais prendre celui-là. Ah, la blague des skieurs juifs, Maurice. Mais cherche pas dans tes papiers, tu l'as pas. Mon cher Jonathan, c'est deux skieurs juifs qui sont au sport d'hiver, c'est ça? Oui. Oui. Et oui, qui oui. Ils et sont qui pas à la piscine. Et qui veulent faire du ski. Il y en a un qui dit à l'autre, je saute. Non, là, il y a un mélange. C'est une mélange avec la blague. Ah, alors, mon cher. Mon cher Jonathan. C'est moi-même. Ah, bien là, on sent qu'il la tient, là. Deux perchis parlent l'un à l'autre. Deux perchis. Mais ça va pas, non? Les skieurs juifs, on t'a dit. Les skieurs juifs. Oh non, mais il est complètement. On veut pas la blague des perchis, on veut la blague des skieurs juifs. Il est complètement abruti, c'est pas possible. Ah bon? Oh là là. Deux skieurs juifs se croisent. Se croisent. Qu'est-ce qu'ils se disent? Alors, il y en a un qui dit à l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'ils se disent, les deux perchistes au sport d'hiver? Les perchistes. Les deux skieurs. Mais c'est pas vrai. Non, mais excusez-moi. Si, c'est vrai. Non, Jonathan, vraiment, je suis désolé, mais c'est pas possible. Si, faudra possible. Qu'il m'explique comment il fait du ski, Maurice. Hein, non, mais là, c'est, non, mais c'est pas possible. Les deux skieurs. Ah, voilà. Alors, ah. Là, vas-y. Alors, qui déjà, se croisent sur une piste au sport d'hiver, bien sûr. Il y en a un qui dit à l'autre. Je signe et je perchiste. Alors, non. Alors, la vraie version. La vraie version. Que les choses soient Jonathan, claires. Jonathan, il est atterré. Choses soient claires. Atterré par la Wehrmacht. C'est la deuxième fois que Maurice nous fait le coup de mélanger deux blagues. Ah oui, c'est pas celle-là. Ah non, c'est pas voilà, ça y est. C'est bien de s'en rendre compte. Alors, Jonathan a déjà remis son blouson et est prêt à partir. Alors, s'il te plaît, retiens-le, raconte-lui la blague. C'est deux skieurs juifs qui se croisent sur les pistes d'hiver. Et ils se disent... Et qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent... Shalom. Mais non, pas shalom. Oh, shalom. Non. Shalom. Ouais. Claude Lelouch, une petite réflexion. Oh, tout ça pour ça. Voilà. Eh bien... C'est quand même pas dur à dire. Shalom. Oui. Shalom. Oui, il a... Voilà, maintenant tu arrives. Oh, mais qu'il est con, c'est pas vrai. Bon, je dois dire une chose, c'est qu'on va être obligé de marquer quand même une courte pause. Ah oui. Ah oui. Car là, on n'en peut plus, évidemment. Et en plus, on a... Mais Jonathan, reste là. Non, mais oui, n'aie pas peur. Reste un peu. Là, juste après, on a une nouvelle épreuve à te proposer. Tu n'as jamais fait ça en radio. C'est l'épreuve de la photo mystère. Ah oui, je suis ravi. J'ai hâte. Bon, allez, reste avec nous. On revient avec Jonathan. Retourne, on va se marrer avec Jonathan. Ouais. Bon, Jonathan, il se demande par moments où est-ce qu'il est tombé, parce que c'est vrai qu'avec Maurice, c'est quand même particulier. C'est vrai. Mais t'as jamais envisagé de faire un duo comique? Bah, c'est-à-dire que je suis attiré par son physique, mais après, c'est vrai qu'il dit des conneries, quoi. Donc, Est-ce que tu sais pas que c'est lui qui te ramène en voiture? Non, en tracteur. Ah, pardon. Mais en tractopelle. Ça fait une heure que tu le traites de fumier. Bon, je m'en vais. Non. Alors, justement. Ah, bah non, c'est la photo mystère, Maurice. Alors, chaque semaine. Nous confions à Maurice. Nous confions. En un seul mot, oui. Non, en deux mots, confions. Tiens, faites passer. On avait compris, Bob. Ah, bon, merci. Fais passer. Nous confions à Maurice une photo mystère. But du jeu, bien entendu, c'est d'essayer de vous faire découvrir ce qu'il a sur sa photo mystère en vous donnant des informations à par coup de 10 secondes. Il n'a bien sûr absolument pas le droit de prononcer le mot qui compose le nom de la photo mystère, et il a également un mot interdit qu'il ne peut pas prononcer non plus, sinon vous trouveriez très facilement. Donc Maurice donne des infos, si vous avez une idée, bien, vous devez donner une réponse, si vous n'avez pas d'idée, la main passe, etc. Et c'est la première équipe qui trouve, qui marque le point. Et Maurice, bien sûr, c'est lui qui déclenche le chrono, parce que sinon oui. Il met du temps, après il perd du temps, et bon. Il va comprendre. Ta douleur. Alors Maurice, alors là on va commencer par ton équipe bien sûr. Comme d'habitude. Donc quand tu es prêt, tu envoies le chrono. Allez stop, c'est un animal qui peut avoir une très grande grandeur. On le trouve... Oui, oui. Bah oui, oui, mais, mais arrête... Mais non, mais... Alors, on va rectifier le... Quand il dit qu'il peut avoir, ça veut dire qu'il y a. Oui, non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que... Non, voilà. Non, il peut avoir une grande taille. Oui, oui, parce qu'il y en a qui peuvent être des petites tailles. Ah, c'est une bite. Ah, oui, oui, oui, oui. Une bite. Les morpions. Alors, une réponse, un animal, Julien et Bob. Il veut dire des peut être grand ou petit. Voilà. Un chien. Ah. Non. La main passe pour votre équipe. Attention, Jonathan, il faut bien écouter les informations de Maurice. Oui, j'écoute. C'est important. Stop. Il a une il peut avoir une couleur blanche ou une couleur brun. Mais celui que t'as, il est quelle couleur, là hein ça dépend. Ça dépend. Elle change de couleur, la photo. Abruti. C'est pas vrai. Idiote. C'est pas possible. Pour si alors, Jonathan, est-ce que ça te parle, tout ça? Ça me parle énormément, oui, oui. J'aurais dit un ours. Et voilà. C'est pas un ours, t'as vu? Eh non. Eh non. Ah non. Ah bah blanc ou ah non, brun, ouais, petit ouais. Ou grand. Petit ça... ours brun et, non, et non, grand non. Ours blanc. Ce n'est pas grizzly. Un ours. Grizzly, moi j'en ai un à la maison, un grizzly. C'est le nom de ton chien. Oui. Ah oui. Je crois que la couleur a une importance, Maurice. Je pense. Ah oui. Enfin, il a des ouais, le foyer, alors. Décris-le. Stop. C'est à nous. Il a deux yeux. Non, merci pour l'info. A une couleur jaune. Ah, ah. Voilà. Arrête. Non mais ne le perturbe pas. Ah non. Il a deux yeux, un nez couleur jaune. Alors Bob, bah, quand même. Un canari. Un canari. T'as vu un canari d'une grande taille, toi? Et il est gros canari. Hein. Qu'est-ce qui est jaune et qui fait 200 kilos? Un poussin, mais un gros. Hein. Un gros poussin. Bon Maurice, alors vas-y. Là, c'est pour Jonathan. Stop. Non, trop tard. Attendez. C'est un faux départ. Vas-y, quand tu veux. Stop. Il est adoré des enfants. Ah. On peut le trouver. Un marsupilami. Non. Attends, laisse-le dire. Là, ça y est. Des enfants. Non, mais faut pas le couper parce qu'après, il s'arrête. Il donne... Ça le perturbe. Ce qui est dans le milieu. Non, mais stop. Bah oui, quand même. Alors, bon. Une idée, Jonathan? Ben. J'ai pas d'idée. Un jaune, qui peut être jaune, qui est aimé des enfants. Qui est aimé des enfants, jaune. Un poussin? Un sextoy? Ben non. Alors, Boris. Ça serait bien. C'est à nous maintenant? Oui, oui, oui. Non, mais c'est un poussin. Ah, oui. Ça serait alors... bien que tu nous dises ce qu'il mange, mais à mon avis, tu sais pas. Si, il le sait. Il sait ce qu'il mange? Allez, bah, oui. allez, vas-y. Stop. Il mange du miel. Ça peut servir d'enveloppe. Il mange pas. Truc. Il en... d'enveloppe de pyjama. faire des bisous. Ça peut servir. Bon, alors, moi, je pense savoir que c'est un panda. C'est panda? Non, c'est pas le panda. Bisounours. C'est un panda? Qu'est-ce que t'as dit? Oui. Un bisounours. Oui. Un quoi? Un quoi? Un quoi, t'as dit? Un bisounours. C'est quoi ça? C'est un animal? Mais c'est un personnage. C'est pas un animal. bah si, c'est un... Oui, non, mais faut qu'il nous le dise que c'est un personnage. Bah alors oui, non, peut-être. Bah alors Maurice dit oui. Bah il a dit oui. C'est un bisounours. Ouais, alors oui, oui. Alors un point. Maintenant, il avait, Maurice, un mot interdit. Attends, ton petit quiz. Non, je me tire. Rends-moi ma clé. Ou alors laisse-nous le petit quiz, mais va-t'en. Non, rendez-moi mes affaires, je me casse. Attends, il y a ta clé. Alors, c'était quoi le mot interdit, Maurice? Putain, la Wehrmacht, je vais la faire revenir, tu vas voir. Oh, tu vas prendre le train, puis c'est pas la gare Saint-Lazare, toi. Alors, le mot interdit, Bob. Je pense que c'est ours. Hein oui. Oui. Oh là là là là là là. Oh. Tu connaissais les bisounours, toi? Oui, bien sûr. Pourquoi tu nous as pas dit que c'était pas un animal, vraiment? Tu sais pas ce que c'est, peut-être? Quand tu dis que c'est un animal, d'après toi, on cherche quoi? Une girafe. On cherche un animal. Oui. Bon, bah écoutez, néanmoins, vous avez marqué les deux points. Donc, on a marqué les c'est très bien joué. Voilà. Et pour faire avaler la pilule... Une petite tournée de blagues. Ta gueule, moi je parle plus, moi. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Bon allez Maurice, une petite rapide. Que dit un aveugle lorsqu'on lui donne du papier de verre? Il braille. C'est écrit serré. Alors Julien. Alors c'est un employé de grande surface qui vient voir son responsable de chef de rayon et qui lui dit chef, il y a un gros problème, cette nuit on a eu un vol et on a volé 2000 cartouches de cigarettes puisque c'était un supermarché où on vendait des cigarettes et 1500 laitues dans le stock de fruits et légumes. C'est atroce, un manque à gagner énorme, comment on va faire pour rattraper tout ça? Bon, alors le chef de rayon dit, bon bah écoutez, vous avez essayé de mener une enquête, est-ce que vous avez des soupçons sur quelqu'un, un employé, quelqu'un qui aurait pu s'infiltrer dans le magasin? Bon bah l'employé répond, bah écoutez chef, pour l'instant on cherche un lapin qui tousse. Bob? C'est le président de la République qui va faire un discours en Corse. Tous, alors le président, oui. Tout sera mis en œuvre pour que vous y ayez tous. Tout sera mis en œuvre. Tous sera mis en œuvre. Monsieur Frédéric Coster, du travail. Et t'as la foule qui fait à mort le provocateur. Les auditeurs le savent peut-être, mais Bob, du temps où il travaillait, était chef d'entreprise. Et moi, j'avais installé une caméra vidéo dans son bureau. Et je vais vous passer la bande d'un entretien d'embauche qu'il a fait passer à une blonde. Alors, bonjour mademoiselle. Oui, bonjour monsieur du club. Je viens pour passer un entretien d'embauche. Alors, ma petite, pour savoir si tu es bonne, je veux dire, si ça va pour le travail, je vais te poser une question, faut que tu répondes. Alors, si je te donne 500 000 euros, moins 10%, qu'est-ce que tu retires? Ah ben, je retire tout, hein. Ma culotte, mon soutien-gorge, je retire tout. Il y a des accents. Oui. Alors, Jonathan. Alors, quelle différence y a-t-il... oui, pardon. Quelle différence y a-t-il entre les Allemands et les Français? Ah. Eh bien, les Allemands ont dû faire à ne pas savoir qu'en foutre. Et les Français, c'est le contraire. Oui. Eh bien, dans quelques instants, Jonathan, c'est la dernière épreuve de la soirée. Frédéric va nous le sortir. Bah oui. La tête de Jonathan. Oui, mais sors-le-nous. Voilà, son petit quiz. Ah bah vas-y. Mais alors, on marque juste une courte pause, le temps d'aérer l'émission, et on revient avec Frédéric et son petit quiz et Jonathan. Oui. Retourne, on va se marrer avec Jonathan. Et comme Jonathan nous l'a réclamé parce qu'il se souvient pas de ce que c'est que les bisounours. Tu te souviens pas de ça? Non, je suis trop jeune. Ah non. Si. Non, c'est ta génération. À mon bisounours, je lui fais des câlins. Non, je te rappelle pas. Ah, bah, je connais, mais je, ça me dit rien. Ça me... Oh. Bon, bah tant pis. Ouais. Moi, c'est marrant, ça me manquait pas, moi. Hein. Les bisounours, oui. Il a arrêté à ce niveau-là parce que c'est pour pas payer la SACEM. Exactement, moins de 30 secondes. Alors, sinon, oui, ça, de toute façon, on m'a déjà dit que tu faisais moins de 30 secondes. Bon, Jonathan, Frédéric, donc, comme chaque semaine, a préparé son petit quiz. Oui, un petit quiz. Il y a 8 interprètes de chansons à découvrir. Je pense que ça va être un petit peu difficile pour toi, Jonathan, mais bon. Parce que bon, il y a quand même pas mal de vieux dans ce quiz. Mais bon, je prépare un quiz qui a en général un rapport, j'essaye, avec l'invité. Et donc, Maurice, est-ce que tu peux nous rappeler le titre du spectacle de Jonathan ? L'histoire d'un juif qui avait un prépuce. Et donc, ça va être un quiz autour du prépuce. Du zizi, tout à fait. 8 extraits de chansons qui parlent de kékette, de zizi, de bistouquette. Voilà, faut retrouver les noms. Et Bob, le premier extrait. C'est le jingle. Ah oui, merci. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Et quand tu verras, tu reviendras, tu veux zizi. Oui. Je vais te le donner, oui. Tu veux mon zizi. Oui. Je vais te le donner, oui. Tu veux mon zizi. Oui. Je vais te le donner, oui. C'est certainement désagréable quand c'est mou comme un verre à pêche. Quand ça te joue et des timides, le cou cassé, la tête en bas. Plié comme un petit vieux plein de rides à l'âge fringant des soldats. Elle en a pris plein le cul. Elle en a pris plein le cul. Quand elle a vu la bite du plombier, elle a hurlé de joie, elle a craqué. Elle en a pris plein le cul. Et moi, j'ai un piège à fille. Un piège tabou, un joujou extra qui fait craque-boucu, les filles en tombent à mes genoux. Je connais une enfant pleine de talent, douce et câline, qui aime la bine. La bine. Tous les mercredis soirs, elle vient me voir derrière l'usine pour sucer ma bine. Ma bine. Pendant qu'avec adresse, elle me touche les fesses, sa petite bouche butine ma bine. Le zizou de Zouzou, il est chou. Le zizi de Zazette, il est chouette. Le zozo de Zaza, il est chat. Le zigoudou, c'est chou. La zigoulette, c'est chouette. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. C'est chouette. Ah oui, le jingle de fin est un peu spécial cette semaine. Alors, habituellement, les invités posent une question à Frédéric. Oui. En général, on me demande si c'est pris dans ma discothèque personnelle. Eh ben, j'allais te le demander. Est-ce que c'est pris dans ta discothèque personnelle ? Non, je vois. Un, il y en a un, oui. Ah oui, ah ben, on l'a reconnu. Alors, Jonathan. T'en as trouvé combien ? J'en ai trouvé 3. Ah, pas mal. Bon, on va faire comme d'habitude. Ah. On fait comme Maurice, on décompose. Je suis déjà décomposé. Alors, au fur et à mesure, donc priorité à l'invité, bien sûr. Ah oui. Donc, c'est toi qui dis quand tu sais. Bah donc ça c'est Pierre Perret, tout le monde le sait. Ah oui, là c'était facile celui-là. Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à... Ah mais oui, mais je l'ai... Mais bien sûr, c'est Carla Bruni, je l'ai... Bien sûr. Ah oui, ça fait vite. Bah ça c'est à vous, Francky Vincent. Bah oui. Francky Vincent. C'est certainement désagréable. C'est Linda Lemay. Oh, c'est celui-là qui est dans ma discothèque personnelle. Ça, je ne connais pas. Ah, mais c'est un côté licence 4. Ça me fait encore rire. Ah, Fabrice. Bah, non ? Il y a un côté licence 4. Ah non, moi, je sais pas. Moi, Philippe. Ouais, mais Bézu. Eh oui, c'est Bézu. Ah, c'est Bézu. Bon, ça, c'est facile. Non, tu l'as pas ? Dutron. Bravo, Maurice. Hommage. C'est les Charlots ? Bravo, Bob. Putain, j'allais le dire, t'es chiant. Ah, c'est les Charlots. Avec Gérard Rinaldi. Gérard Rinaldi. Regretté Gérard Rinaldi. Si vous vous souvenez pas qu'elle a chanté ça, elle s'en souvenait plus non plus. Anne-Marie Carrière. Annie Girardot. Dans c'est presque film... les mêmes paroles que Colette Renard. C'est dans un film qui s'appelait Ursule et Grelu. Ah, très bien. Oh, ah. Bah, alors attendez, là je pense quand même que l'invité mérite des applaudissements. Ah oui, j'ai pas oui, non, ah, bah, bon, quoi quoi, ah oui. Quoi eh oui. Bravo. Non mais dis donc. Oui, comment quoi eh, oui. Les acclamations à moi. Ah mais j'ai oublié, toi. Et les acclamations de Don Salus. Ah bon, quand même. Alias Frédéric Coster. Ah, bravo, bravo. Monsieur est riche. Non, mais c'est... Bon, alors il arrive à un moment où il faut faire les scores. Ah, alors je dois dire une chose. Oui, pose la retenue. Qui est vraiment extraordinaire, c'est que l'équipe de la Wehrmacht, oui. qui habituellement se fait ratatiner, oui. ce soir a marqué 10 points. Oh, bravo. Quand même extraordinaire, Bob. Hein. En ah, trichant, oui. bien sûr. Oh, bah oui. Comme toujours. C'est pas possible. Et que le Mossad, malheureusement, vous n'avez que 8 points. Ah. Et donc, ça ne vous permet pas de remporter la victoire ce soir. Comme quoi, dans cette émission, tout peut changer, tout se renverse facilement. Ah oui. Très bon, c'est bien votre c'est équipe bon, qui remporte la victoire. Bravo ! Ouais. À la loyale. Alors, si, puisque on est en fin d'émission, si tu devais donner envie à nos auditeurs en dehors des extraits qu'on a entendus, bien sûr, dans l'émission, bah, il faudrait une télé. Bah oui, bah oui, mais c'est ça. Mais si tu voulais leur donner envie de venir voir ton spectacle, ah ouais, les filles, qu'est-ce que tu leur dis sans montrer ton sexe. Les filles, allez-y, il est beau gosse en plus. C'est vrai, allez-y, je suis beau gosse. Mais en dehors de ça. Écoute. D'accord. Voilà. C'est bien, c'est sympa, on rigole. Non, mais comme je le disais, voilà, c'est l'histoire d'un petit juif qui se déteste lui-même, donc il croit qu'il est nazi, et puis ça tombe bien parce que Jonathan en hébreu ça veut dire Dieu donné, et ça c'est vrai. Ah bon? En plus. Non, vraiment, ça c'est vrai. Voilà. Bon, alors je crois que maintenant il n'y a plus qu'à aller. Maurice, là tu peux refaire la promo de Jonathan. Oui, c'est au Théâtre Populaire, au 36 rue Henri Chevreau, dans le 20e arrondissement à Paris, et c'est tout. Les samedis à 21h30. Après Shabbat. Voilà. Et le métro, ça va être Belleville ou Pyrénées. Ménilmontant. Périnée. Non, Ménilmontant. Non, pas Périnée. Ménilmontant. Bon, bah alors, on n'a plus qu'à réserver samedi soir alors pour venir te voir. C'est ça. On va remercier Jonathan. Ben c'est oui, moi qui vous remercie. Oui. Merci. Et désolé pour le mal de tête. Il n'y a pas de problème. Merci à Maurice, ouais. À Julien, ouais. Bob du club, à bientôt les filles, Frédéric Coster, oh. Fabrice, oh. René, ouais. Davy pour la réalisation de cette émission et Marthe Mercadier à l'animation. Ouais. Parfait. Ouais. On va se marrer.com, c'est les anciennes émissions. iTunes, c'est pour le podcast de la semaine. Et puis la page Facebook de l'émission, là vous retrouverez la photo de Jonathan dans quelques instants. Eh oui. Et oui. Pas non, dans quelques instants. Voilà, on va prendre la photo dans quelques instants. Mais elle va pas y être dans. Ah, si, on a. Ah, bah si, après la diffusion, là, boum, elle est sur Facebook. Et puis il y aura l'émission sur Facebook aussi, ainsi que les blagues de Maurice. Merci de votre patience. À la semaine prochaine.